بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا. طيب، أخذنا أمس درس حول الفعل والفاعل. طيب، عندك يا محمد الأصل في الفعل أن يكون في بداية الكلام أو بعد بداية الكلام. On a dit quoi par rapport au verbe? On a dit à la base il est en début de phrase. طيب، un exemple. خرج. طيب، خرج. C'est quoi le verbe qu'on a étudié hier? Quel temps? On a commencé par quel temps hier? Passé. En arabe? Al-Mahdi. Al-Mahdi. طيب، combien y a de temps? Combien? 4. Eh? والأمر. طيب، والماضي ماذا يفيد؟ C'est quoi تعريف du ماضي? Qu'est-ce que tu connais sur le ماضي? Quand je te dis Kharaja Muhammadun, qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu ne me traduis pas. Voilà, fais attention, c'est vrai que tu as dû traduire. Kharaja, Yufid Mada, Al-Hadath. Il y a une action. C'est vrai ou non? Et également. Ouais. Il y a un terme, je l'ai dit hier ça. Là, tu traduis. Andek. Andek. Mohamed. Tu peux répéter? J'ai dit, par rapport au ماضي, il y a une action, et je peux pas dire plus. Voilà, au passé. Taïb. Est-ce qu'on va étudier plus tard? Al-Mazdar. Al-Mazdar, c'est quoi? C'est l'action. Taïb, quand vous dites une sortie, quand vous prenez par exemple le bus, ou vous rentrez dans un endroit écrit entrée et sortie, est-ce que ça signifie un temps, ça, ou juste une action? Hein? L'action. Est-ce qu'il y a un temps? Hein? Quand il y a une montée et une descente, c'est quoi ça? C'est un temps? Mais c'est juste une action. C'est une action. Alors que le ماضي, ça signifie quoi? Un temps et une action. Cette action-là, quand est-ce qu'elle s'est déroulée? Au passé. Mais faut maintenant. Et ça, c'est important, ça. Il faut que dès que maintenant, vous comprenez ça. Hier, je l'ai dit. Al-Mahdi, Yufid Mada. C'est-à-dire quoi? Yufid Shefi Nefsi, Mukhtarim Bizaman Al-Mahdi. C'est-à-dire, il y a eu une action. Quand est-ce? Au ماضي. Au passé. Quand vous prenez, par exemple, une entrée d'un bus, il y a écrit quoi? Entrée et sortie, c'est vrai ou non? Est-ce que ça, c'est un temps? C'est quoi? C'est un acte, une action. Descente et montée. C'est quoi? Une action, il n'y a pas de temps. Vous avez bien compris ça? Taïb. Taïb, qu'est-ce que j'ai dit encore également? Fais de la place. On a dit qu'il y avait trois temps, al-mudhari' wal-madhi wal-amr. Taïb. Un du signe du ماضي, Ayman. Là, un du signe qu'on sait que c'est un fi'l ماضي. T'as quoi? Quoi comme t'as? Il a un nom. Ta ta'anith. Hein, le ta de quoi on avait dit? De féminité. Kharajat. Hein? C'est-à-dire, à partir du moment où tu trouveras quoi? Ta ta'anith, tu seras quoi? هذا الفعل امامك ما هو الفعل الماضي لانه في المضارع ما في هذا التاء tu pourras pas dire زيدون امينه يخرجت لا ما في هذا امينه تخرج vous avez compris sans le verbe au مضارع il y a pas de ta تانيث في الفعل المضارع وفي الامر ايضا tu diras pas اخرجت مفهوم c'est pour ça que le ta تانيث من علامات الفعل الماضي السلام عليكم السلام ورحمه طيب عندك يا صابر Si on trouve le ta'anith, ça demande quoi? Ça demande obligatoirement un sujet féminin. Un sujet féminin qui viendra après. Et ça, c'est ce qu'on attend à la base. Après, on verra plus tard. Si on commence par du féminin, il n'y a pas de mal de dire aminatu kharajat. Mais nous, on a commencé à dire quoi? On commence par un mubtada et on fait suivre d'un khabar. On commence d'un verbe et on le fait suivre d'un sujet. D'un sujet. Alors si on a kharajat, automatiquement on attend quoi? Un sujet féminin. Comment on dit sujet en arabe? Fa'al. Et féminin? Mouannath. Taïb, inshallah. Qu'est-ce que je voulais dire également? Taïb. Alamat al-fa'al. Al-fa'al. Il vient de dire juste le frère un instant. Comment on dit le verbe? Est-ce qu'il a dit fa'al ou il a dit fa'al? Hein? Concentre-toi, Abdelhakim. Le frère, il a dit quoi? Fi'al ou fa'al dans le verbe? Fi'al. Moi, j'ai demandé, al-fa'al, c'est quoi le fa'al? Sujet. Taïb. C'est des termes, apprenez-les, les frères. Hein? Taïb, c'est comment on reconnaît un fa'al? C'est quoi un fa'al déjà? Taïb. Je t'ai pas demandé de traduire. Les frères comprennent les questions, Allah ibarak. Est-ce que j'ai demandé, traduis-moi, c'est quoi le fa'al ou c'est quoi un sujet? Non, c'est pas un khabar. Comment c'est un khabar? C'est pas un khabar. Un sujet, c'est un khabar? Andek. C'est celui qui fait l'action. C'est celui qui fait l'action. Qui accomplit l'action. T'as révisé, Abdelhakim? Taïb. Taïb, vous avez compris ça? Al khabar, c'est autre chose. Quand tu dis al khabar mawa, c'est une information. C'est pas lui qui a fait l'action. Regarde la différence. T'as dit. Al-fa'al ou al-ladi yukhbir. Hada khata. Quand tu dis Zaydoun maridoun, est-ce que c'est le marad qui a fait l'action de Zayd? Zaydoun marid. Suis-moi bien, regarde pour que tu comprennes bien la faute. T'as dit al-fa'al, c'est quoi? C'est le khabar, c'est-à-dire il informe. Quand tu dis Zaydoun maridoun, est-ce que le marid là, c'est lui qui a accompli l'action de Zayd? Là. Tu nous as informé que Zayd était malade. Mais quand je te dis kharaja Zaydoun, kharaja, ça veut dire quoi? Sortir. Taïb, c'est qui a fait l'action de sortir? C'est Zayd. Et automatiquement, là, c'est qui a fait l'action? C'est Zayd. Est-ce que tu nous as informé ou tu nous dis c'est lui qui a accompli l'action? Hein, les frères, c'est pour ça, prenez bien les significations et révisez bien. Taïb, comment on reconnaît un fa'al? C'est quoi là, je veux dire, l'alamat al-fa'al? Comment on reconnaît un sujet? Al-fa'al. Concentre-toi, Abdelkhan. Quand je te pose des questions, t'es azim. Comme si c'est nouveau aussi. Tous les frères comprennent ça. Taïb, le frère, il a, je lui ai demandé c'est quoi un fa'al. Il a bien répondu. Comment on reconnaît maintenant le fa'al? Alamat al fa'al, c'est quoi? Le signe du fa'al, c'est quoi? Vous avez compris ma question? Taïb. T'as révisé Abdelkhan? Ouais. Taïb, machin. Ça veut dire, normalement, c'est dans ton truc. مرفوع لدما لواو والالف حتى يشمل المثنى لو ديوال ايغالمون لو بلوريال ماسكولين تقبل دو سانير فوالا بارك الله فيكم زي كومبري سا ان اكزامبل مرفوع بضما خرج الولد ان اكزامبل افيك لو الف سي tu te souviens s'il y a pas de mal خرج الولدان ها Regardez, deux enfants, et au pluriel. Non, comment ça tu vas. Non, tu comprends, mais tu sais pas. Voilà, c'est pas pareil, j'ai pas compris. Voilà. Le frère, mashallah, il a dit Kharaja al-Waladou, un frère. Le frère Saber, on lui a demandé deux frères. Il nous reste quoi? Trois frères ou plein d'enfants ou comme tu veux. Comment on dit le pluriel de un enfant? Hein? Là. Le pluriel de d'enfants. Waladoun. Al-Aulad. Kharaja al-Auladou. T'as aimé les frères? C'est pour ça que je vous ai conseillé dès le départ, dès le 1, écrivez le vocabulaire et si vous pouvez, trouver son pluriel. T'as aimé. On a donné une règle, Abdelhakim. On a dit que si on commençait par le verbe, le sujet pouvait être comment? Ou il doit être toujours sous le même critère? Si je dis kharaja, est-ce que le sujet sera toujours de la même forme ou il peut avoir plusieurs formes? C'est simple ça. Hein? Une seule forme. Exemple? Mohammed. Tout ce qu'on vient de dire là, c'était tous la même forme? Tout. Ah ouais. Ce qu'il a dit Ayman, ce qu'il a dit Saber, ce qu'il vient de dire le frère, c'était la même chose. C'était quoi le. Ayman, c'était quoi son exemple? Un enfant. Et Saber? Et ça? Et toi, t'as dit quoi? Et c'est bon alors? Oh, je sais pas, regarde. Tu... Hein? Parce que t'as pas révisé. C'est pour ça que t'arrives pas à me suivre. Sinon, vous avez compris là ce que je viens de dire là? T'as pas compris là tout ce que je viens de dire? Hein? Toi là, quand je t'ai posé la question, si le verbe est en début de phrase, t'as le sujet après, est-ce qu'il aura toujours une seule forme ou il peut avoir plusieurs formes? T'as compris là? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Voilà, t'as compris là. Vous avez compris ça, Inch'Allah? T'as. Et ça, c'est spécialement pour le masculin ou pour le féminin? Kharaja? Non, ce qu'il vient de dire le frère Abdelhakim. Que si, là, par exemple, le verbe est en début de phrase, le sujet peut être singulier, duel et pluriel. Est-ce que c'est spécialement que pour le sujet masculin ou également ça comprend le féminin? Féminin aussi. Féminin. Un exemple pour féminin, du singulier? Kharajat Aminatou. Aminatou. C'est-à-dire, on peut dire quoi également? Kharajat Bintani. Deux petites filles. Et si c'était par exemple des femmes? Des femmes. Kharajat. Non. Imra'atun, son pluriel c'est Nisa. Taïb. C'est compris là, Abdelhakim? Bien, c'est vrai? Taïb. Hier, on a vu une règle à Wahbi, barakallahu fik. Si deux secounes se rencontrent, le premier est absorbé, il est enlevé. Ça veut dire on peut le remplacer par une kasara. On peut kasara. Le remplacer par une kasara. Voilà, ça veut dire quoi? Si je dis Jalasset par Libatou, on peut faire une liaison, on dira comment? Jalasset par Libatou. Très bien, mashallah. Al-ism mawsoul, mudhakkar, mufrad, ma huwa? Allati. Mudhakkar. Alladhi. Alladhi. Wa muannath? Allati. Tayyib. Comment on dit l'oncle paternel? Paternel. Al-Am. Et maternel? Al-Khal. Très bien. Comment dit un fermier, Abdelhakim? Un fermier, pas un fermier. Un fermier, ah. Allah ybarak lik. Voilà, fallah. Barakallahu fik. Taïb. Comment on dit la maternité? Mustachfa al-wiladati. Al-wiladati. Na'am. Barakallahu fik. Personne n'a une question par rapport à ça? C'est compris là? Tout le monde a compris, Inch'Allah? Hein? Taïb. Na'am. Quand il y a deux secondes, par exemple, derrière, quand qu'elle sera. Ouais. Ça, c'est dans n'importe quel. Non, non, ça on va le voir après. Il y a d'autres secounes, on verra que ce sera une dhamma. T'as pour l'instant, c'est ce dors-là. Jalasset par Libet. Comment? Pour tous les nouns, c'est une kasra. Pour tous les nouns? Non, il y en a certains. Minallah, c'est une fatha. Vous marchez tout doucement. Pour l'instant, celui-là, si c'est le tatani suivi d'un secours, vous le mettrez une kasra. T'as vu, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. T'as vu, bismillah, naqara. Ad-dars, thalitha ashar. T'as vu, la leçon 13. Hein. On n'avait pas lu, hein? T'as à voir, oui, t'as. Bismillah. Les mots pas compris ou les entourés? Men haoula al-fityatu tiwalu ya aliyu. Répète, hein? Men haoula i? Al-fityatu. Al-fityatu, y'a pas fityatu. Men haoula al-fityatu tiwalu. T'es bien, très bien. Men haoula al-fityatu tiwalu ya aliyu. Très bien, machin. Hum tullabun judud. Ça vers ça où? Min haïn hum. Pas min hein, min aina. من أين هم؟ إيه. من أين هم؟ Là, c'est... À toi, Daoud, vas-y. Essaye d'aller vite. Hum. Min America. Non, hum min America. À toi, Abdel Hakim. Hum, Zamala Ouka. Regarde bien. Il y a un dame. Il n'est pas écrit, toi ? Hum. Non, il n'y a pas Hum. C'est-à-dire, Hum, c'était bien lu, mais c'est juste le mot. Zou. Voilà, Zoum. Très bien, mashallah. Hum, Zoumala Ouka. Très bien. Suivant. Non, Hum. زملائي زملائي هم في الفصل. très bien. نعم هم زملائي هم في الفصل. هم مجتهدون. أهم. t'as dit أهم؟ parce qu'il y a la hamza استفهام. طيب j'ai pas entendu. أهم. أهم مجتهدون. مجتهدون. très bien. نعم هم مجتهدون. ما اسمهم؟ يا بيا. ما. ما اسمهم؟ ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ ما أسماؤهم؟ très bien. أسماؤهم ياسر وزكريا وموسى وعبد الله. très bien. ومن حول. regardez bien, vous dites ومن. quand on pose une question, on dit من ou من. ومن. voilà من. ومن حول. ومن هؤلاء. ومن هؤلاء. الرجال. الرجال القصار قصار قصار قصار القصار القصار أتوا داود هم حجاج هم حجاج من أين هم خبيا ما شاء الله بعضهم من الصين وبعضهم من الصين من الصين ها بعضهم من الصين وبعضهم من اليابان. très bien. أين موسى وأصدقاؤه؟ نعم أين موسى وأصدقاؤه؟ ذهبوا إلى المطعم. نعم ذهبوا إلى المطعم. تا يا دي مو pas compris là? mais sinon la majorité on va les revoir inshallah dans le texte dans après. vous donnez la ligne comme ça. Tu as compris, c'est bon, hein? Ayman? Saber? Tous les mots sont compris, c'est bon? Bardohum, c'est-à-dire quelques-uns parmi eux, ils sont de la Chine et certains du Japon. Daoud? Abdel Hakim? Zoumala. Zoumala. Zamil, ça veut dire quoi? Amis, collègues, et Zoumala, c'est le pluriel. Le dars d'aujourd'hui, c'est quoi ? Fitiatou. Fitiatou, c'est ici, c'est enfant. Fitia. Non. Le problème, le dars, aujourd'hui, il est un peu mélangé. Ça parle des pluriels, et il y a deux types de pluriels. Il y a le jama' al-taksir et en même temps il parle du jama' mudhakkar salim. Inch'Allah, on va en parler. Taïb. Taïb. Tamarin. Hawal al-mubtada fi kulli min al-jumal al-atiya ila al-jama'. Taïb. Il te dit change le mubtada fi kulli min al-jumal al-atiya ila al-jama'. C'est-à-dire change le mubtada dans toutes les phrases suivantes au pluriel. Et souvenez-vous, on avait dit quoi par rapport au Mubtada ? Il était en début de phrase. Ma'rifa marfou'a. Vous avez compris ça ? Hada. Et que le khabar, il était quoi ? Marfou'a, nakira. Et qui devait confirmer quoi ? Qui devait coordonner au Mubtada. Vous avez compris ça ? C'est-à-dire, si on avait un Mubtada singulier masculin, c'est-à-dire Mufrad Mudakar, Laboud min khabar, Mufrad Mudakar. Il a akhir. Inch'Allah, on n'a pas besoin de répéter tout ça. Eh ben aujourd'hui, l'ismi, ça veut dire si maintenant on dit Hada Taliboun. Regardez, premier exemple. Hada Taliboun. Il est où le Mubtada Abdel Hakim ici? Hada. Il khabar Taliboun. C'est compris ça. Hada, on a vu que c'est quoi? Ismi Shara, Liman, Lil Qarib, Mudakar, Mufrad. Et Taliboun, c'est quoi? Mufrad, Mudakar. C'est compris ça. Maintenant on a Haoulaï. Haoulaï, c'est quoi? اسم إشارة للجمع ويشمل المذكر والمؤنث. C'est-à-dire, ça correspond masculin, féminin, mais il est au pluriel. T'as vu, Inch'Allah ? Voilà. J'ai pas compris. Ça va venir, Inch'Allah. T'as vu ? Parce que les rires aql, je me dis aql ou rires aql ? Oui, c'est ça le but là devant toi. C'est aql. C'est quoi aql pour toi ? Voilà. Ben, il y en a, c'est la raison. T'as vu ? Haoulaï, tullabou. Là, haoulaï. À la base, on l'utilise pour les aqal, mais il n'y aura pas de mal de dire ghir aqal. On le verra, Inch'Allah, dans les prochains durus. Taïb, je répète, Inch'Allah. Haoulaï, c'est un ism ishara. Jam'a, c'est-à-dire pluriel. Taïb. Et on l'utilise pour le masculin et également pour le féminin. Vous avez bien compris ? Quand c'était le masculin, on disait quoi ? Hada. Hada. Quand c'était féminin, Abdel Hakim, on disait. Quand c'était féminin, pour faire un signe vers une sœur ou un hadi. Maintenant, si tu veux faire un signe vers un groupe de frères ou un groupe de sœurs, tu pourras dire haoulaï. C'est compris ça ? C'est compris ça, Bert ? Tout le monde a compris ça, Inch'Allah ? C'est pour ça, alors maintenant, on ne pourra pas dire hada tullabun. Limada ? Hada tullabun. Non, c'est faux. Pourquoi ? Parce que tu as dit hada. Explique-nous, vas-y. Hada, c'est pour Mufrad. Hada, c'est pour Mufrad. Mudakar, lil qari. Taïm. Et Tullaboun. Tullaboun, c'est. C'est Mudakar. Tullab. J'ai dit masculin, Mudakar. Mufrad, je voulais dire. Ouais. Tullab, c'est pas Mufrad, c'est le pluriel. Ahsant. C'est-à-dire, là, ça demande quoi ? Haoulaï, Tullaboun. Vous avez compris, Inch'Allah ? Tout le monde a compris ? Voilà. Le problème, c'est ce que je vous parle des pluriels. Et on va lire après, on verra, Inch'Allah. Taïb, chacun lit une ligne et il me traduit. Hein. Bismillah, Mohamed. Hada tajirun, tu nous fais le pluriel. Haoula tujarun. Avec la traduction. Des commerçants. Taïb, commerçants. Taïb. Au suivant. Haoula hujjaj. Non. Ce sont des pèlerins. Hada hajun. Haoulaï hujjajun. Les pèlerins. Hada rajulun. Au suivant. Hada rajulun. Moi je lis au singulier, vous lisez directement en pluriel. Hada rajulun. Haoulaï. Haoulaï. Rijalun. Rijalun. Non. Rijalun, c'est-à-dire les hommes. Non. Hada kabirun. C'est-à-dire grand, les grands. D'ailleurs, Hada Sagirun. Haoulahi Sirarun. Très bien. C'est-à-dire, Sirar. Petit. Petit, non. Les petits. Hada Qasirun. Haoulahi Qisarun. Qisarun. Qasir, c'est-à-dire petit. Qasir, petit, mais de quoi d'âge, de taille De taille. De taille. Ça c'est des mots appris, Inch'Allah. Hada tawilun. Haoulaï tawilun. Non. Grand. Non, grand. Grand de taille. Taïb. Hada waladun. Haoulaï awladun. Très bien. Les enfants. Hada ibnun. Haoula abnaun. Non, haoulaï abnaun, c'est-à-dire fils. Non, enfant, fils, taïb. Hada ammun. Haoulaï. Naam. Oncle. Taïb. Du côté du père. Naam. Hada Sheikhoun. Haoulahi Shouyoukhoun. Shouyoukhoun, naam. Ça veut dire Sheikh. Ça peut être un Sheikh en science, comme également une personne âgée. Vieux. Hada Zayfoun. Haoulahi Zayfoun. Invité, naam. Zayfoun. Hada Zamiloun. On regarde bien. Zumala'u. C'est-à-dire amia, camarade. Hada faqirun. Haoulaï fuqara. Fuqara'u. Naam. C'est-à-dire ils sont des pauvres. Traduisez le mot en lui-même. Pauvre. Hada ghaniyun. Haoulaï erniya'u. Erniya'u. Naam. Riche, naam. Hada sadiqun. Haoulaï asdiqa'u. Très bien. Les amis. Ami. Hada tabibun. Haoula tibba. Haoula tibba'u. Des médecins. Naam. Hada fata. Haoula fitiatun. Naam, ça veut dire des petits enfants. Ou adolescents. Taïb. L'anou fata dun, c'est plus grand que al-walad. Taïb. Hada akhun. هؤلاء إخوة نعم هذا تجد خير هذا جديد هؤلاء جدود جدود نعم نوفو هذا مدرس هؤلاء مدرسون مدرسون نعم بروفيسور هذا مهندس هؤلاء مهندسون ça veut dire l'enseignant il vient de le dire lui Moudarrisoun il a dit professeur enseignant et Mohandisoun celui qui enseigne Mohandek Abdelhakim ingénieur Hada fallahoun Haoulaï fallahoun fermier très bien Hada mouchtahidoun هؤلاء مجتهدون طيب كيف في دي زيفور طيب هذا مسلمون هؤلاء مسلمون مسلمون طيب ان شاء الله سي فاسيل سي درس طيب مي كوم سا نوفو درس سا بارل ا بوبري دي بلوريال طيب En ce qui concerne les pluriels, barakallahu fikoum, on va en étudier, inshallah, dans le 2 déjà. Il y aura jamir mudhakkar salim, c'est le pluriel des hommes. Comme par exemple, les 5 derniers là. Mudarrisuna, muhandisuna, fallahoun, mujtahidoun, muslimoun. Ça, ce sera dans le 2, inshallah. Hein? Ça, c'est le pluriel des hommes. Et on verra comment ils se forment. Après, on verra jamir muhannad salim, le pluriel des femmes. Et là, il n'y est pas là, inshallah. Et le reste des mots qu'il y a devant vous, comme tullabun, tujarun, hujajun, rijalun, kibarun, ça s'appelle jama' taksir. Ils appellent ça à peu près le pluriel irrégulier. Taïb. Et c'est quoi un pluriel irrégulier ? Ils disent quoi ? Huwa al-jam' alladhi la yuslim mufraduhu min taghyir. Taïb. 'Ind al-jam'. Regardez bien. On a vu il y a trois pluriels. Jama' taksir. جمع مؤنث سالم et جمع مذكر سالم طيب regardez bien بدمن الله يعين regardez bien المدرسون on le verra dans le 2 ce sera un des plus simples regardez le numéro 21 vous lisez tous هذا مدرسون tout le monde y est et son pluriel c'est quoi مدرسون le pluriel masculin comme ils appellent جمع مذكر سالم La racine du mot, le radical, il sera toujours là, même dans le pluriel. Vous le voyez ou non ? Qu'est-ce qu'on a rajouté ? Là, le waou et le noun. Vous avez vu ou non ? Hein ? C'est bon ? Vous êtes tous avec moi là, les frères ? Hein ? Et là, comme il n'y a pas d'exemple pour les femmes, par exemple, on dit muslimatoun, on dira muslimatoun. On va rajouter quoi ? Un alif et un ta. T'as Mais en ce qui concerne le pluriel dans lequel on parle là, Par exemple, talibun, c'est quoi son pluriel? Tullab. Eh bien, le jama' taksir, c'est quoi? Barakallahu fikoum. C'est qu'il peut avoir un changement au niveau des lettres. Que ce soit en début ou à la fin. De temps en temps, ça peut être un changement que quoi? Au niveau des harakat. Par exemple, on dit asadun, on dira quoi le pluriel? Osdun. Il y a les mêmes lettres, mais sauf c'est le tashkil qui a changé. Vous avez compris? C'est pour ça que ce pluriel-là, il est un peu plus difficile. Pourquoi ? Ça, c'est plus du par cœur. Vous avez compris ça ? Et il y a à peu près 6 formes de ça. Regardez bien. Talibun, le pluriel, c'est quoi ? Tullabun. Tajirun. Est-ce que c'est la même forme que tullab ? Non, regardez bien. Attendez. Tajirun. Ouais, prenez par exemple, hajjun, on dira hujjajun. Tu vois ? Il y a certains, par exemple, on mettra quoi ? Si je vous mets kitabun, on met quoi ? Le pluriel, c'est quoi ? Kutubun. Vous avez vu ? Par exemple, Tullabun, et le pluriel de Kitab, c'est quoi? Kutubun. Vous avez vu, c'est pas la même forme. Et ça, c'est pour ça qu'ils appellent ça Jam'a Taksir, c'est quoi? C'est que c'est un pluriel irrégulier. Il change. Soit il change au niveau des lettres, soit au niveau des harakat. Vous avez compris ça? Pour ça, ça, il faut apprendre ça par cœur. Taïb? Non. Ce terme, on peut utiliser pour des... ça pour les hommes ou pour les femmes? Le Jam'a Taksir? Ouais. Non. Je viens de te dire, ça, c'est un pluriel qui n'est pas pour les femmes à la base. Il y a trois types de pluriel. Il y a le pluriel masculin, comme quoi Jam'a Mouanet Salem, ça c'est féminin. Jam'a Moudakar Salem, Al-Muslimouna, Al-Mudarrisouna. T'as compris? Mais le pluriel des femmes, on dirait quoi? Muslimatoun, Muslimatoun, Mudarrisatoun, Mudarrisatoun. T'as compris? Et là, il n'y a pas là. Regarde. Ça peut, ça comprend quoi? Barakallahu fikoum. Des choses, regarde bien, qui sont à Aql. Ou il peut avoir غير عقل. Kitabun, on dira quoi? Kutubun. Talibun, tullabun. T'as compris? Daftarun, dafatir. Alors que l'autre, c'est quoi? Jam' mudakar salim. Le pluriel de quoi? Mudakar, masculin. Jam' mu'anad salim, l'asl, hadawa. Mais là, jam' taksir, ça comprend que ce soit une chose inerte ou une chose qui résonne ou qui ne résonne pas. T'as compris ça? Je peux reformuler ma question? Vas-y, reforme ta question. Un mot, par exemple, un mot féminin. Faut pas te rendre des choses difficiles. Hein. Ouais, c'est Yaratoun, par exemple. Ouais. Je connais pas son féminin. Si Yaratoun, ça finit comment? Partoun. Non, partoun. En termes bien. Attends, Marbota. Attends. Voilà, Atoun. Maintenant, comment j'ai... Taïf, c'est féminin ou c'est masculin? C'est féminin. Moi, je dis quoi depuis tout à l'heure, les frères? Masculin. J'ai dit quoi? J'ai dit que le pluriel féminin, il va venir. Muslimatoun, siyaratoun, madrasatoun. C'est vrai ou non? Ça, tu vas le voir. Il y a certains mots, il peut avoir plusieurs pluriels. Mais là, je t'ai dit, le pluriel féminin, il aura sa forme. Mudarrisatoun, tu diras mudarrisatoun. Muslimatoun, muslimatoun. T'as compris? Et là, devant toi, c'est quoi? Talibun, c'est un pluriel, ils disent irrégulier. Il n'a pas la forme, regarde, talibatun. Si tu aurais dit talibatun, tu aurais dit quoi? Talibatun. Tu aurais rajouté alif, wata. T'as compris? Voilà. C'est pour ça que je t'ai dit, il y a le pluriel féminin, qui est quoi? Jam'a mu'anad salim. Il a sa forme. Qui est simple, tu rajoutes alif et wata. Et tu as jam'a mudakar salim, tu rajoutes quoi? El wa wa nun, comme on a vu les quatre. Les cinq derniers exemples, regarde. Mudarrisun, muhandisun, fallah, mujtahid et muslim. Et la différence entre ces trois pluriels, c'est quoi? C'est que le pluriel féminin et le pluriel masculin, ils gardent le mot de base, le radical, regarde. Tu dis muhandisun et dans le pluriel, tu retrouves muhandis ou non? Ouais, ouais. Dans sa forme, où elle est déformée, où il est déformé le pluriel? Réponds ma question. Est-ce qu'il est déformé le singulier ou tu le retrouves comme il est dans le pluriel? Il n'est pas changé. Il n'a pas changé. T'as compris ça? Alors que là, quand tu regardes Talibun et regardes Tullabun, est-ce que c'est la même écriture ou il y a des rajouts? Regarde. Là, il y a un changement. Talibun, on a commencé avec une fatha et on commence ici avec. Comment ça? De quand même, sois avec moi, Allah vérifie. Talibun. Ouais. Regarde bien. On commence avec quoi ici? Avec un dhamma. Une dhamma, alors qu'ici on avait commencé? Une fatha. Taïb. Après le ta ici, il y a quoi? Alif. Il y a alif et après il y a une quoi là? Il y a la prolongation. Et là on dit ta, t'as compris là? Non, là il y a un changement. Taïb, inchallah. Qui a pas compris? Saber? Taïb. Et sachez que ce pluriel-là, Inch'Allah, il peut avoir plusieurs formes. Par exemple, on dira Kalbun. On dira, c'est quoi le pluriel? Kilab. Ou Kulub. Hein? Certains mots qui sont devant vous, ils peuvent avoir plusieurs pluriels. Il faut le savoir, ça. Taïb, c'est pour ça, si un frère, Barakallahu fikoum, par exemple, si on prend Shir. Shir, vous savez combien de pluriels il a? Il a 7 pluriels. C'est-à-dire 7 formes. Tu peux dire Shir, Shirun, Shuyur, Ashir, Ilakhir. Vous avez compris ça? Si vous regardez dans le dictionnaire, Cheikhoun, il a 7 formes. Vous avez compris? Comme Kalboun, tu peux dire quoi? Kilab, Kouloub, il a Akhir. Hein? C'est compris ça? Il ne faudra pas vous arrêter que sur un pluriel. Certains mots dans la langue arabe, ils peuvent avoir plusieurs formes de pluriel. C'est ça, Jam'a Taksir. Taïb? Comme Kafir, on dit quoi? Kafirun, ou Kafara. Vous avez vu? Un mécréant peut dire Kafir, on peut dire Kafirun, et on va dire quoi? Kafara. Vous avez compris? Qatil, Qatilun, ou Qatala, ila akhir. C'est ça l'importance des pluriels. Taïb. Ça c'est Qatil, c'est celui qui fait un combattant. Rajul Qatil. Taïb, Inch'Allah. On finit Inch'Allah ça, et comme ça. طيب حول المفردات التي تحت خاط الى الجموع الى جموع كما هو موضح في المثال اي تي demande de changer quoi le vocabulaire les mots التي تحت خاط les mots qu'ils ont un trait الى جموع au pluriel كما هو موضح في المثال comme il est quoi qui peut traduire expliquer évident dans l'exemple مثال من هذا الرجل هو حاج le mot a changé ici c'est quoi Rajul. Taïb, on dit Men haoulaï rijalu hum hujjaj. Automatiquement, si tu changes, il faudra tout changer. Taïb, Inch'Allah. Wahabi, vas-y. Min aïna hada talibu. Huwa min al-hindi. Très bien. Alors, au pluriel, tu diras quoi? Min aïna haoulaï talabu. Haoulaï ou hum. Là, tu restes que tu vois. Voilà. Hum. Hum. Voilà. Hum. Min al-Hindi. Très bien. Taïb, t'as dit Min aïna haoulaï tullabu. Hum. Min al-Hindi. J'aurais pu dire haoulaï. Mais ça, après, tu rattrapes. Hu haoulaï. Hum. Min al-Hindi. Ça se dit pas trop. Taïb. Barakallahu fik. Aïna tajir al-kabir. Hua fi souk. En pluriel. Aïna tuzar al-kibar. Al-kibar. Non, c'est bien, mashallah. Hum fi souk. Hum fi souk. Vous avez compris, inshallah? طيب اين المدرس الجديد هو عند المدير من اين هؤلاء المدر لا regardez bien les frères si y a un ism ishara a changé vous mettez vous changez la phrase comme elle est là tu diras quoi اين المدرسون بارك الله فيك اين المدرسون الجدد الجددون الجددون هم عند المدير très bien ما شاء الله أين الطالب الجديد؟ أهو في الفصل؟ أين طلاب جدد؟ أين الطلاب الجدد؟ أين طلاب الجدد؟ لا، هو c'est pour un. Et là tu diras أهم في الفصل. أهم في. في الفصل. الفصل. نعم. أهذا الطالب غني؟ لا هو فقير. نعم هؤلاء الطلاب أغنياء تجرا très bien لا هم فقراء من هذا الرجل هو ضيف très bien من هؤلاء رجال tu apprends par cœur c'est un mot que tu connais من هؤلاء الرجال تجرا هم Ça, c'est un nouveau mot, ça. Tu peux regarder. Dhuyuf. Taïb. Dhuyuf. Ça veut dire quoi, Dhuyuf? Et Dhaif, ça veut dire quoi? Un invité. Taïb. Un invité. Barakallahu fi. Li akhun kabirun huwa talibun bil jami'ati. Li ikhwatun kibarun. نعم أين صديقك ذهب إلى المكتبة؟ أين صديقك؟ أوكا. très bien ما شاء الله. ذهب إلى. لا ذهبوا. c'est rien. on n'a pas encore vu. ذهبوا. ذهبوا إلى المكتبة. محمد له ابن صغير هو طالب في المدرسة. محمد له أبناء أبناء صغار هؤلاء طلاب في المدرسة. Très bien. محمد له أبناء صغار هم طلاب في المدرسة. نعم. أزملاؤك مجتهدون. نعم هو مجتهد. أزملاؤك مجتهدون. نعم مجتهدون. نعم هم مجتهدون. بارك الله فيك. Tout le monde a compris cet exercice? Ayman? Saber? Saber? Vous avez compris, c'est bon? Le dernier, comment il l'a dit? Azumalauka, mujtahidouna. Comment? Il reste pareil. Non, il devient au pluriel. Tout devient au pluriel. Faites-lui voir le mot zumala. Le dernier, le 10. Là, c'est azamiluka. Azamiluka. Azumalauka. نعم طيب زملاؤك مجتهدون نعم هو مجتهد هم مجتهدون طيب إن شاء الله أضيف الأسماء الأتية مرة إلى اسم الظاهر وأخرى إلى ضمير كما هو موضح في المثال أضيف سيدير كوا مهدي أضيف بوزي عبد الكريم سيدير كوا أضيف وهبي وهبي وهبي كلاسي لا مضاف مضاف اليه سي كو المضاف مضاف اليه سي جواندر اون شوز ان اكسين شوز ها لي فرار جي ديجا ترادوي سمو لا لا يا با دو الله اكبر كلاسي ان فيت جو ولي دير كلاسي بار امبل مو لا كي سون فات تو لي بلاس افيك سو كي كوردن لا لا لا سي با سا ان اكسين شوز سي لا جواند نعم لي تا با دي بلاس لا Non, non. Lui t'aurait dit place, t'aurais dit par exemple va. Non. T'as compris? Non. Avoir fâché, c'est joindre une chose à une chose. Non. C'est compris ça? Hein? Afwan. Tayeb, inshallah. Barakallahu fikoum. Après, il te dit adif al-asma al-atiya marra ila ism al-dhahir wa ukhra ila dhamir. Ma ma'na ism al-dhahir? Hein? C'est l'inverse du dhamir. Ism al-dhahir, c'est quoi par exemple? Kitabu Zaydin. Zaydin, c'est un dhamir ou c'est un ism al-dhahir? Ouais, Zayd à la base, Zayd de prénom. Ouais, c'est quoi? C'est un Damir? C'est quoi un Damir? T'es sûr? Taïb. Un exemple de Damir, il y a Mahdi? Zaydouna. C'est-à-dire, comment un pronom? Tu sais que les frères, moi je fais ça, mais en vérité je devrais avancer. Je me permets de réviser avec vous, alors que normalement, ça c'est des cours qu'on a déjà vus. Damir il me dit Zayd. C'est pas possible ça. C'est quoi un Damir? Anna, par exemple, Kitabu. Anna, Anta, Kitabuhu, Kitabuka. Hada ma'ana Damir. Allez frère, révisez, Allah yabarifikoum. Taïb. Et un ism dahir, c'est quoi? C'est un nom apparent, qui est l'inverse du damir. C'est-à-dire, dis-moi le livre de Zayd. Tu dis comment, Mohamed? Kitabou Zaydin. Là, pas Kitabou. Hada Kitabou Zaydin. Vous me suivez? Aïn est l'ism huna? L'ism dahir, alladhi wa mudafile. C'est Zayd. Hada Kitabou Zaydin. C'est vrai ou non? Et si tu le mets dans un damir à imam, tu diras quoi? Hada Kitabou. Hada Kitabou. Nous, on parle toujours de Zayd. Est-ce qu'il y a une différence entre Kitabouhou et Kitabou Zayd? Au niveau du modafilé? Là, les deux sont modafilés. Mais il y en a, c'est quoi? Un ism. Et l'autre, c'est quoi? Un damir. Vous avez compris ça? Hein, les frères? Vous avez compris ça, Saber? Bien. Taïb. Alors, on répète. Adif al-asmal atiya marratan ila ism al-dahir. Ism dahir c'est quoi? Par exemple, tu diras Hada kitabu Zaydin. Zayd, on a ism dahir. Hada qalamu Muhammadin. Hadihi darajatu. Par exemple, Marwan. Tout ça, c'est des asma dahira. C'est apparent. C'est l'inverse d'un quoi? D'un pronom. Vous avez compris? Et maintenant, si je rends ces choses-là, modaf, à un damir, je dirais quoi? Hada kitabuhu. On parle de Muhammad. Hada kitabuhu. Il est mudaf à un dhamir. Taïb. Hada qalamuhu. C'est un dhamir. Hada qalamuka. Le kaf ici, c'est quoi? C'est un dhamir. Hadihi, par exemple. Haqibatuka. C'est un dhamir. Vous avez compris la différence maintenant, les frères? Mais il faut noter. Il ne faut pas comprendre juste le jour où je parle. Parce que regardez, ça c'est un dars, normalement c'est fini. C'est la leçon 5, je me souviens encore. Si je regardais, regardez, on va prendre la leçon 5. Regardez, la leçon 5, ça parlait de quoi? Modaf, modaf il est. Regardez. Et là on a la leçon, je crois, 13. Hein les frères? Alors révisez bien. Hein? J'ai pas dit hadi kitabuka. Hada kitabuka. Hadi haqibatuka. Taïb, barakallahu fik. Mais si je l'ai dit, c'est une erreur. Hada. Taïb. Hada kitabuka. Hadi haqibatuka. Taïb. Tout le monde a compris là, Inch'Allah? Abdel Hakim. Hein? Note-le. Pourquoi tu t'enregistres le? Non, j'ai dépensé. Taïb. En tout cas, c'est bien compris là. Ism Dahir et le Damir. Allah ybarik fik. Tu peux nous donner un exemple sans regarder? D'un modaf, Ism Dahir? Ism Dahir. Dis-moi le livre de Mohamed. Kitabu Mohamed. Tu vois, c'est moi qui t'ai aidé. Vas-y. Hada. Hada Kitabu Mohamedin. Mohamedin. Il est où le modaf, il est ici? Mohamedin. Et c'est quoi? C'est un Damir, Mohamedin? C'est un Damir, parce qu'il a pas. T'as dit quoi là? C'est un Damir. Dahir, voilà. Et donne-nous un, par exemple un Damir. On parle toujours de Mohamed, Julie. Kitabuhu. T'as compris? Et si tu me dis à moi, mon livre, tu diras quoi? Hada. Kitabuka. Très bien. Et si c'était une sœur? Kitabuka, mais il est sous-entendu, non? Là. Kitabuki. Voilà. C'est compris ça, Inch'Allah, les frères? Hein? Et si c'est le livre de tout le monde, là? Hada kitabu kum. T'as dit, tout le monde a compris ça, Inch'Allah? Saber, c'est bien compris? Ouais. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Non, ça va. Non, c'est quoi? On l'a vu, ce dars. Il n'y a pas de mal, c'est quoi que vous n'avez pas compris? J'ai compris, ça va. Donnez-moi un exemple. Le livre Kitabuka. Non, c'est la traduction, ça. Moi, je ne veux pas que vous me traduisez. Donnez-moi un mot d'affilé avec un ism. Ism Dahir. Et là, je verrai si vous avez compris. Alaykoum salam. Kalamuhu Muhammadin. Là, bon. Hada kalamu Muhammadin. Vous avez compris? Muhammad, c'est un pronom ou c'est un nom? Un nom. C'est un nom. Et un pronom, c'est quoi? C'est un damir. Vous avez compris? Voilà. Et si on faisait, dites-moi mon stylo à moi, en utilisant un damir. Kalami. Là, à moi, en parlant à moi. Hada. Hada kalamu. Là, à moi, face à vous, je suis face à vous là. Hada kalami. À moi, dites-moi ça, c'est ton stylo. Hada kalamu. Voilà. Il est où le mot d'affilé ici? Le kaf. Vous avez compris? Et si, dites-moi le stylo de Mohamed. Hada kalamuhu. Si c'était une femme devant vous? Non, devant vous. Comprenez, devant vous, et elle n'est pas là. Voilà. Et si elle n'était pas là? Voilà, c'est simple. Mais les frères, il faut noter. Hein? Là, on est en train de réviser des leçons d'avant, les frères. Tu vois, et ça, c'est pas trop normal, ça. C'est pour ça qu'après, regardez, elle est déjà 9h, mon cas. Voyez, notez, les frères, enregistrez. Celui qui peut enregistrer, il enregistre. Taïb. Tout le monde a compris, Inch'Allah, là, Mohamed. C'est bien compris? Surtout le terme, là. Ism Dahir wa Dhamir. C'est compris, ça, Abdelhaïr? Hein, faut noter, Inch'Allah. Mahdi. Pas qu'aujourd'hui, hein. Faut pas me dire Na'am. Le jour qu'on j'explique, Alhamdulillah, vous comprenez tous. Mais le lendemain, on dirait que c'est la même leçon. Abdelkarim. Bien. Attends, pas d'excuses, moi. Wahabi. C'est bien compris? Ayman. Mohamed. C'est compris? Saber, Daoud, tout le monde a compris, Inch'Allah. C'est juste le premier, c'est quoi? C'est quoi le premier? L'asma, c'est le pluriel de ism. C'est les noms. Quoi? L'asma, les noms. Là, c'est ism Dahir, c'est le nom apparent. Ouais. Mais avant, c'est quoi? T'as dit, c'est quoi? Avif, ça veut dire joindre. Ada fâché. Taïb, Inch'Allah, mithal, abna'un. Tout le monde y est là ? Hein ? Abna'un. Regardez bien. Abna ici, il va être modaf. Abna'u Muhammadin. Il est où le modaf ? Il est ici, les frères, tous ensemble. Muhammadin. Muhammadin, c'est un ism d'ahir ou c'est un zamir ? Ism d'ahir. Voilà. Taïb, Inch'Allah, on va à côté. Abna'uhu. Il est où le modaf ? Il est ici. Le zamir, il est où ? Uhu. Et c'est quoi ça ? C'est un zamir ou c'est un ism ? C'est un zamir. Zamir. Et il revient à qui ? On parle de qui là ? Les enfants de qui ? De Muhammad. C'est compris, Saber ? Voilà. Si vous n'avez pas bien compris, vous pouvez mettre au-dessus de Uhu, vous mettez quoi ? Muhammad. Pour que vous compreniez que Abna Muhammadin ou Abna'uhu, c'est la même chose. Mais sauf, il y en a. C'est clair, Abna Muhammadin, ism d'ahir, et l'autre c'est quoi ? C'est un damir. C'est compris ça ? Taïb, Asma'un, عندك يا Muhammad ? Asma'u Tullabi. Asma'u Tullabi, très bien. Et à côté ? Asma'uhum. Très bien. عندك يا Ayman ? Zumala'u. Zumala'u Hamidin. Très bien. Zumala'uka. Très bien. Zumala'uka, si tu parles à moi là par exemple, hein, tu me dis Haoulaï, Zumala'uka. Taïb. Au suivant. Saber, allez-y. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Ou, pas vous, hein. Asdiqa'u. Asdiqa'u. Ouais. Al-Mudarrisi. Al-Mudarrisi. Al-Mudarrisi, c'est un ism ou c'est un damir ? Ism. Ism. Taïb, Inch'Allah. Quelqu'un, même par exemple, il aurait une difficulté de reconnaître un ism et un damir. Qui pourrait trouver là ? Ici, il y a un signe. Pour la vie. J'ai vu que tu bougeais la tête, mais peut-être que tu sais. Non, non, non. Vas-y. Le damir, il est attaché au ism. Il est attaché au mudaf. Non, pas forcément. J'ai dit, il y a un signe qui nous permettra, même pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, de différencier entre un damir et un ism. On va laisser Wahbi. S'il n'a pas trouvé, on lui donnera un iman. Que dans le premier, quand c'est un ism. Par exemple, regarde, Abna'uhu, il n'est pas attaché. Non. Et Abna'u Muhammadin, il n'est pas attaché. Non. Tu laisses le frère répondre ? Ah, mais si, mais si. T'es fatigué un peu, non ? Non, pas du tout, c'est comme ça, juste. Non, il n'y a pas de mal. Andek ? Donc, on avait dit Abna'u Muhammadin, par exemple. Ouais. Abna'u, c'est Mudaf. Ouais. Et Muhammadin, c'est Mudaf Ilay. On le reconnaît que, comme quoi c'est Majrur. Mudaf Ilay, le prénom. Ouais. Même Abna'u. Abna'uhu, Abna'uka, c'est modafilé. Non, mais avec le, comme quoi c'est majrur. C'est bien, machin. Je vais t'aider juste au niveau de. T'as compris, grâce à Allah. Tu aurais pu dire quoi ? Que al-modafilé dans l'asma, par rapport à ce qu'on voit là, al-alama tadhar. La kasra, elle apparaît. Alors que dans les pronoms, on avait dit c'était quoi ? Invariable. Mabni. Vous vous souvenez de ça ? On n'a pas dit abna'uhi. Ou par exemple, abna. Ihim, Akada. Vous avez compris ça ? Ça peut vous aider également. Taïb ? Barakallahu fikoum. Alors, Asdiqa'u al-Mudarrisi, Asdiqa'uhu. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Car il est déjà 9h10. Inch'Allah, demain, on finira la leçon. Taïb. Barakallahu fikoum.